Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Jean-Philippe Toussaint. Annie Ernaux. Antonio Lobo Antunes. André Brink. Jean d'Ormesson. Lydie Salbert. Et toute cette semaine, le romancier Mathias Hénard s'entretient avec Olivier Rollin. Voix nue. À voix nue. Toute cette semaine, Mathias Hénard rencontre Olivier Rollin. Ce soir, portrait de l'auteur en chasseur de lions. Olivier Rollin, bonsoir. Bonsoir. Après l'effervescence révolutionnaire, après la gueule de bois post-révolutionnaire, après votre premier roman d'anticipation, puis un long voyage mélancolique en Amérique du Sud, vous ouvrez vraiment la porte de la fiction en grand, et vous vous lancez dans une série d'explorations romanesques au Soudan avec Méroé, Port-Soudan indirectement juste avant, et après même dans l'histoire, avec un roman historique. Oui, oui, enfin, le roman historique, c'est, vous voyez bien le genre un peu détestable que désigne cette expression en général. Enfin, détestable, je veux dire, le côté roman en costume, c'est pas exactement ça quand même, Chasseur de lions. Il n'y a rien de méprisable dans un roman historique, pourtant. Non, disons que c'est pas un genre que je prise beaucoup, quand même. Enfin, je ne crois pas avoir fait un roman historique, encore une fois. Je ne crois pas que ce qui est important dans ce livre, s'il y a quelque chose d'important, ça n'est pas la volonté de reconstitution, de faire un truc en costume, quoi. Mais il y a pourtant la dimension de l'histoire. Oui. Il y a toujours, une évocation de l'histoire, du mouvement de l'histoire, etc. dans pratiquement tous mes livres. Enfin, il n'y a pas de livre qui soit simplement intime. Oui, mais là, justement, la dimension historique, le personnage historique devient central. C'est une enquête historique. Mmh. Alors, même si Méroé, par exemple, effectivement, l'archéologie soudanaise était présente, c'est la ville de Méroé, mais la dimension de l'enquête qu'il y a dans un chasseur de lions est bien plus importante, puisque le chasseur de lions lui-même, ce personnage de Pertuiset, donc un personnage historique que vous avez découvert et sur lequel vous avez enquêté, devient prendre la place centrale du livre. Oui, oui, oui. Et Olivier Rollin, qu'est-ce qui vous a fasciné alors dans ce personnage de Pertuiset? Peut-être que vous pouvez nous en dire deux mots. Oui, fasciné, ce serait, c'est pas exactement le mot. Qu'est-ce qui m'a attiré? Il est pas fascinant, enfin il est grotesque. C'est un personnage qui, c'est un gros bonhomme, hableur, qui trafiquant d'armes, qui invente des projectiles explosifs, qui essaie qui va bassiner toutes les cours d'Europe pour essayer de vendre sa camelote mortifère. Enfin bref, c'est un peintre du dimanche. C'est un personnage comique, quoi. Alors bon, ce qui m'a attiré, c'était peut-être justement de m'atteler à la mise en scène d'un personnage comique. C'est pas tellement ma longueur d'onde, pour reprendre cette expression de longueur d'onde. C'est pas tellement ma longueur d'onde habituelle de faire évoluer un personnage farcesque, quoi. Mais au fond, c'est surtout le fait, l'étonnement de constater qu'il était ami de Manet, donc puisque Manet, un chasseur de lions, c'est le titre du tableau que Manet, du portrait que Manet a fait de lui, qui est une de ses dernières toiles. Et donc là, il y avait quelque chose d'un peu étonnant, d'un peu mystérieux, puisque Manet, c'est absolument le contraire de cela. C'est un personnage très très élégant, enfin non seulement un très grand peintre, mais c'est un personnage avec un esprit, une finesse, un goût sûr. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que peuvent se rencontrer et être entrer dans des relations amicales deux personnages aussi différents. Et puis il y a encore une troisième raison qui est une raison purement géographique, c'est que ce Pertuiset là, ce gros balourd, il était aussi explorateur, il était chercheur de trésors, enfin des tas d'activités pittoresques, et son terrain d'élection c'était la Terre de Feu. Or, j'ai dit dans un autre entretien que mon attirance pour les régions un peu désertiques, un peu désolées et désertiques, et genre Sibérie ou Soudan, eh bien la Terre de Feu, c'est encore quelque chose comme ça. Donc j'ai vu là, tout simplement, il me plaisait de retourner à la fois en chair et en os, mais de retourner en mots aussi dans ces régions que je connaissais déjà un peu et qui m'attirent. Il y a tout ça dans l'élection de ce Pertuiset. Il y a le hasard aussi. Enfin, je raconte dans le livre. Je suis tombé à deux reprises de ma vie, à 10 ou 20 ans d'intervalle. Je suis tombé sur une première fois sur un bouquin où il était un petit bouquin où il était question de lui. Là, et puis 20 ans plus tard sur la toile de Manet. Au Musée des Beaux-Arts à São Paulo, et dont j'ignorais l'existence. Et c'est pas une toile dont on parle très souvent, parce qu'elle est moche, faut bien dire. Et en général, les expositions et tout ça, les critiques d'art, les historiens de l'art, etc., n'aiment pas trop l'évoquer, cette toile. Même les amis de Manet, comme Huysmans, s'en sont moqués. Alors voilà, je suis tombé en arrêt devant ce tableau quand je l'ai découvert à São Paulo. Olivier Rollin, c'est un moment d'inflexion, on a l'impression quand même dans votre œuvre, ce Chasseur de Lions. Peut-être pour vous, vous ne le ressentez pas comme ça, mais on a l'impression que c'est le début d'un renoncement à la fiction, d'un renoncement au roman. Le passage du roman comme personnage imaginaire, fiction, l'imaginaire certainement toujours avec un fond historique, mais néanmoins du domaine du roman, à ce que vous allez faire par la suite, qui est justement le renoncement au personnage imaginaire et à faire des récits toujours, mais des romans qui sont sans fiction. Et on a l'impression que le Chasseur de Lions est le moment justement où cela bascule. Oui, enfin, si c'est un mouvement définitif, durable, alors c'est en effet le moment où ça bascule. Maintenant, moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas, il est possible que je réécrive, il est possible que je n'écrive plus, il est possible que j'ai, c'est toujours possible, il est possible que j'écrive de nouveau des romans, ou un roman avec fiction. Enfin, je n'ai pas décidé de passer au roman sans fiction. Voilà. Mais c'est un fait que mes deux derniers livres sont ainsi. À vrai dire, c'est un mouvement assez, si je suivais ce mouvement, c'est un mouvement assez, qu'on constate chez pas mal d'autres écrivains, à mon avis, dans la littérature française contemporaine. Mais c'est pas une décision. Non, c'est pas une décision, non. Et donc, ce sont les sujets qui ont, c'est-à-dire que c'est la rencontre Olivier Rollin, comme la rencontre du tableau de Manet et de Pertuiset, c'est la rencontre avec certains motifs, certaines œuvres extérieures qui ont fait que vous consacriez à eux. Oui, oui, oui. Oui, il faut une rencontre, il faut un choc, il faut un hasard. Mais ça devait être le cas aussi avant. Avant, c'était plus. Avant, j'écrivais quand même pour, il me semble, plus pour élucider certaines interrogations que j'avais, essayer d'avancer, oui, dans la résolution d'une énigme intellectuelle, morale, etc. Peut-être que je suis lassé de ne pas apporter de réponse à ces problèmes, mais en tout cas, j'écris moins comme cela. Enfin, Grac dit que ce qui est à l'origine, il dit ça autrement, mais que ce qui est à l'origine de l'écriture d'un roman, c'est ça, c'est une chose qui vous obsède, dont on ne sait pas très bien ce que c'est, et en fond, écrire le livre, c'est découvrir ce que c'est que cette chose qui vous obsède. Bon, eh bien, c'est ainsi beaucoup que j'écrivais, que j'ai écrit Phénomène Futur, que j'ai écrit même pour Soudan, mais moins maintenant. J'écris plus, en effet, parce que une figure, un personnage, un lieu m'ont sollicité, quoi. Et Olivier Rollin, quelles étaient les questions alors auxquelles vous cherchiez à répondre au moment de Port Soudan, par exemple, ou de Méroé? Est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager un temps qui... d'envisager, oui, un temps qui est à Yarbourg, qui marche à l'envers. Est-ce qu'il est possible de c'est une bonne vieille interrogation, hein, mais pas très originale. Enfin, l'interrogation elle-même ne l'est pas. Mais est-ce qu'il est possible, oui, de... Est-ce qu'il n'y a pas des poches de temps qui subsisteraient sans avancer, intactes? Est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver, là, maintenant, en 2015... un petit bout de 2005 qui n'aurait absolument pas changé. C'était cette espèce d'envisager une plasticité du temps, quoi. C'est aussi le seul roman français, à ma connaissance, dont un des personnages principaux est un pigeon. Oui, il y a un pélican, non? Pélican. Non, enfin, c'est pas un pélican non plus, c'est une sorte d'ibis. Enfin, c'est un oiseau des bords du Nil, oui, c'est un oiseau à grand bec et grand jabot des bords du Nil, mais un ibis, je pense. Non, pigeon, non. Et on voit aussi Olivier Rollin, un général. Le Soudan, vous y êtes retourné depuis, sans doute. Oui. Et est-ce que vous avez cherché à y retrouver justement un choc ou quelque chose qui pourrait vous y faire raconter de nouveau une histoire? Non, mais c'est parce que je pense que j'ai fait deux livres qui se passent au Soudan. Enfin, l'un, c'est un Soudan imaginaire, Port Soudan. Et l'autre, c'est un Soudan que j'avais expérimenté, que j'avais un peu parcouru. C'est peut-être assez quand même. Mais enfin, c'est incontestablement pour moi un territoire qui a ses qualités d'éloignement, un peu hors des circuits du monde. C'est un lieu mélancolique pour un voyageur occidental. En tout cas, c'est un lieu mélancolique. C'est un territoire assez propice pour moi, oui, à la fabrication de fiction. Mais je ne crois pas quand même que je remettrai ça une troisième fois. C'est très intéressant puisque je pense que, et ça sans doute assez rare aussi, vous avez commencé par écrire un livre, Port Soudan, à propos d'un pays dans lequel vous n'étiez encore jamais allé. Et ensuite, un second récit, là, un voyage beaucoup plus précis et archéologique autour des ruines de Méroé. Et donc, pourquoi le départ dans l'imaginaire de Port Soudan? Pourquoi ne pas y être allé dès le départ? Parce que c'est quand même certainement mon livre le plus désespéré pour Soudan. Bon, ça reflétait quand même assez mon état d'esprit à l'époque. J'étais pas en très grande forme, c'est une litote. Et donc, je me suis dit que le Soudan devait être vraiment le lieu où les maladies de l'âme pouvaient trouver un refuge, quoi. Je n'y avais jamais mis les pieds, donc j'aurais pu choisir un autre pays, mais non, ça me plaisait. Il y avait le côté, il y a la mer Rouge, quoi. La mer Rouge, chez nous, elle n'a pas très bonne réputation, enfin, dans la littérature française. Il y a Aden Arabi, il y a Monfred, mais il y a Rimbaud, enfin, c'est un lieu d'exil, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi, au pif, comme ça, le Soudan. Un exil brûlant. Après, je me suis dit, oui, allons voir si ça ressemble un peu à ce que j'ai imaginé. Et je me souviens, d'ailleurs, j'ai terminé mon livre fin du printemps, je pense. Et je suis parti là-bas, alors que le livre n'avait pas été publié encore. Bon, et je suis parti là-bas au mois de fin juillet. Et j'ai passé tout le mois d'août au Soudan. Et je n'ai pas été déçu parce que c'était vraiment là une chaleur absolument thermonucléaire. Et une très grande solitude. Enfin, et j'ai constaté que oui, au fond, ça ressemblait assez à ce que j'avais décrit. Enfin, j'avais quand même un peu forcé le trait, c'est-à-dire que c'est pas un régime sympathique, certes, mais ça n'était quand même pas l'enfer que je décrivais dans Port Soudan. Olivier Rollin, ce qui est intéressant, c'est comment on passe d'un livre à l'autre finalement, c'est-à-dire du très grand désespoir de Port Soudan. On retrouve quand même quelque chose d'une espérance, oui, d'une certaine tendresse liée au contact de l'histoire, de l'archéologie, un peu comme si on se rassurait en contemplant les ruines du passé. Vous voulez dire entre les deux livres, quand j'ai écrit Méroé, je n'étais plus dans cette situation de grande faiblesse morale qui était la mienne quand j'écrivais. Quand j'écrivais pour Soudan, donc ça doit se ressentir. C'est assez marrant parce que j'ai écrit... au fond, je trouve que pour Soudan, c'est un livre trop pathétique, quoi. Voilà, justement, je n'avais pas la force, le courage peut-être de m'éloigner du pathétique et du dramatique. Et donc c'est un reproche que je lui fais maintenant, mais que je lui ai fait assez tôt. Et au fond, j'ai écrit Méroé pour réécrire un peu Port-Soudan. Et l'écrire en plus ironique, en plus compliqué aussi. Et ce qui est assez curieux, c'est que je pense que c'est un livre, Méroé est supérieur, à vrai dire, est préférable à Port-Soudan. Mais je suis le seul à le penser. Enfin, je veux dire, il a eu beaucoup moins de succès. Et ce qui est peut-être la loi, je ne sais pas. C'est aussi deux romans d'amour. Oui. Oui, incontestablement, c'est deux romans d'amour, deux romans d'amour malheureux, à vrai dire, mais ce sont l'un et l'autre des livres de passion. Je trouvais aussi, ce que je n'aimais pas dans Port-Soudan, c'est que la passion malheureuse du narrateur l'amenait à une certaine injustice, j'avais le sentiment d'avoir été injuste. Injuste envers qui ? Envers l'héroïne l'héroïne absente de ce livre, celle qui s'appelle La Disparue. Donc deux romans fiction, amour, passion. Olivier Rollin, et ensuite on a l'impression qu'on s'éloigne de la fiction aussi comme on s'éloigne de l'amour finalement. Ensuite, c'est-à-dire dans les livres... Dans les livres suivants. Bon, à part la parenthèse, disons, pas une parenthèse qui est centrale, mais sur un autre plan de Tigre en papier, quand on va retrouver le romanesque, on sera justement loin de l'amour, et donc petit à petit, on s'éloigne aussi de la fiction. Je me trompe peut-être complètement. Parce que vous croyez que l'amour est fictif ? Dans le roman, et dans la fiction dans le roman, peut-être est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec l'amour aussi ? Il n'est pas du tout exclu, il est même, il est très possible que si j'écris encore quelque chose, ce sera peut-être de nouveau une réflexion romanesque sur l'amour. Ça fait niais de dire ça, mais ça n'est pas du tout quelque chose dont je me suis éloigné, ni dans ma vie, ni dans mon projet littéraire, quoi. Olivier Rollin. Et la littérature, c'est aussi beaucoup d'amour quand même. Ça commence par ça un peu. Hein. Beaucoup de la mort, c'est beaucoup de. Voilà. En tout cas, je me suis pas éloigné de ce centre-là. Est-ce que vous avez cette sensation aussi, ou est-ce que c'est la vision de quelqu'un qui regarde vraiment votre œuvre du dehors, que finalement, quand on s'intéresse à un projet beaucoup plus historique, peut-être, ou en tout cas, quand la fiction s'éloigne. Dans Un chasseur de lions, très récemment le météorologue. Finalement, l'implication personnelle et sentimentale devient bien moindre. Oui, forcément. Enfin, je ne saurais dissimuler qu'il y avait quelque chose quand même d'assez. Il y avait une part d'intime qui était assez grande dans Port-Soudan et Méroé, par exemple. C'est pourquoi j'ai souvent tendance à confondre, à dire je au lieu de dire le narrateur. Bon, alors que il n'y a pas une grande implication. Je n'ai pas été moi personnellement victime des purges, de la terreur stalinienne. Je ne me sens pas beaucoup de points communs avec le personnage tartarinesque du chasseur de lions. Donc l'implication est moins grande. Ça ne veut pas dire que l'implication de l'écrivain, ça veut pas dire que je suis moins présent, moins acharné, moins batailleur, etc. Dans les mots, dans l'écriture, c'est tout à fait aussi mon implication est tout à fait aussi forte. Mais ça n'est pas mon cœur mis à nu, quoi. Et Olivier Rollin, pour revenir à ce personnage donc de Pertuiset. Peut-être pas méprisable, mais en tout cas plus comique malgré lui que réellement héroïque en tout cas. Il a quelque chose aussi d'extraordinairement intéressant, c'est que c'est un personnage mondial. C'est-à-dire qu'il est extraordinairement pratique pour un roman puisque il fréquente un peu tout le monde, un peu tous les milieux. Il voyage beaucoup et puis il a cette mort assez rocambolesque en Terre de Feu. Le roman qui se construit sur lui, finalement, l'utilise comme ce moteur de la fiction en le faisant parcourir les mondes. Mais on a l'impression que celui qui vous intéresse et sur lequel vous auriez sans doute aimé écrire, c'est Manet. Bah oui, il est plus intéressant, il est plus profond, quoi. Puis enfin, c'est un artiste. Je me sens quand même plus intéressé, plus proche d'un peintre que d'un trafiquant d'armes ou d'un explorateur. Ce qu'il a d'intéressant, ce qui m'intéressait en tout cas aussi dans Pertuiset, c'est que dans ce chasseur de lions, c'est une personnification du poncif. Or, le poncif, c'est notre ennemi absolu. En littérature, je ne dis pas qu'on ne succombe pas de temps en temps, mais enfin, en tout cas, c'est notre ennemi. C'est contre ça qu'on écrit, quoi. Et donc, c'était amusant. Lui, il ne pense que des banalités. Il ne s'exprime que par des phrases pompeuses, des adjectifs enflés, etc. Donc ça m'amusait de mettre en scène ce qui est notre ennemi. Je l'ai fait une autre fois, d'ailleurs je l'ai fait dans l'invention du monde avec ce personnage dont j'ai eu l'idée en relisant le tour du monde en 80 jours de Fix. Dans le bouquin de Jules Verne, c'est le détective qui emmerde Phileas Fogg, qui lui met des bâtons dans les roues parce qu'il croit, je sais pas quoi, qu'il a volé l'or de la Banque d'Angleterre. Bon, et dans l'invention du monde, c'est un type qui essaie d'empêcher l'imagination de s'envoler, d'empêcher la phrase de s'envoler, et qui est un représentant du bourgeoisisme, dirait Flaubert, en art et en littérature, quoi. Alors, voilà. Mettre en scène des messieurs poncifs, c'est un exercice éventuellement distrayant et éventuellement utile. Et la question de la description, qui est aussi très importante dans une autre partie de votre œuvre, Olivier Rollin, là, c'est ce qui est fascinant, c'est l'intérêt que vous avez aussi à décrire les toiles de Manet, qui sont donc les sources de ce livre. Et je ne sais pas si vous êtes intéressé ailleurs aussi à cette description picturale et si vous avez trouvé dans d'autres parties dans d'autres parties de votre œuvre, dans d'autres livres, d'autres inspirations dans une peinture ou l'image ou la description d'une, donc non pas d'une image première comme peut l'être une botte d'asperges, mais une image seconde par l'intermédiaire d'un peintre. À vrai dire, non, je ne crois pas. Il y a des tableaux, y compris des tableaux imaginaires, je sais pas, dans l'invention du monde, par exemple. Un tableau, une image qui soit la cellule matricielle, comme ça, d'un livre, je pense qu'il n'y a que que celui-là, que le chasseur de lions. Et Manet est aussi, d'ailleurs, finalement, le seul peintre que j'ai fini par connaître très bien. Non pas que je n'en connaisse pas d'autres, mais enfin, disons que Manet, je le connaissais bien, assez bien pour être allé en parler à Orsay. Je me souviens, j'avais un peu peur d'ailleurs sous le de la réaction des conservateurs, etc. Mais enfin, je le connaissais bien. Non, je n'ai pas. Pierre Michon, par exemple, a beaucoup écrit sur les peintres, sur la peinture, très bien, très très excellemment, mieux que moi sûrement. Mais moi, c'est la seule fois. Pierre Michon lui tire beaucoup du 19e siècle, pas uniquement dans la peinture, mais aussi le personnage de Rimbaud, dans Joseph Roulin. Alors que vous, le Chasseur de Lyon, c'est votre seule incursion dans le 19e siècle. Alors que vous êtes proche, pourtant, vous aimez beaucoup Hugo et beaucoup de grands auteurs du 19e siècle, Flaubert. Vous n'avez pas fait tant d'incursions que cela dans ce territoire. Non, mais d'abord, je suis quand même plus proche. Enfin, la littérature qui compte le plus pour moi, qui m'a le plus formé, à laquelle j'ai eu le plus le désir de me mesurer, c'est la littérature du XXe siècle, quand même. C'est Proust, c'est Joyce, c'est Faulkner, etc. Plus encore que, même si bien sûr, je lis Flaubert et les autres, mais c'est quand même voilà la littérature de mon siècle, c'est-à-dire du siècle passé, qui est mon territoire littéraire, quoi. Donc j'ai pas tellement de raisons d'aller explorer le 19e siècle plutôt que le siècle où je suis né. Je n'ai pas une vénération particulière. Vous dites que oui, j'aime Hugo. Oui, j'aime Hugo. Les choses vues, par exemple, je trouve ça magnifique, les choses vues. Mais il ne faut pas faire de moi quand même un admirateur de l'art d'être grand-père, ou des choses comme ça. J'aime bien le personnage de Hugo, j'aime bien son incroyable générosité quand même. Enfin, j'aime bien ce type qui se bat toute sa vie contre la peine de mort, alors que, voilà, à son époque, ça va pas de soi, c'est le moins qu'on puisse dire. Je trouve formidable le type qui est à Guernesey, là, qui va voir qui se fait montrer tous les lieux de la détention, de l'exécution de ce type, qui s'appelle Tapner, je crois, qui a été pendu, il a essayé d'empêcher sa pendaison, mais n'y étant pas parvenu, il va revoir tout. C'est un Hugo formidablement généreux, formidablement moderne en plus dans son écriture, parce que là pour le coup c'est l'école du regard là aussi. Enfin, il décrit tout, y compris les tessons de bouteilles qu'il y a en haut du mur de l'espèce de cour, enfin un jardin d'ailleurs où on a dressé la potence, le clocher qu'on voit au-dessus. Enfin, oui, c'est donc très moderne dans son inspiration, et puis très moderne dans son écriture, quoi. Enfin bref, avec tout ça, encore une fois, c'est quand même le XXe siècle qui est mon pays littéraire. Mais ce que je voulais dire aussi pour répondre, ou plutôt éluder votre question, c'est que je ne me sens pas de territoire. Chaque roman est ou pseudo-roman ou para-roman ou enfin est un avec fiction sans fiction etc. définit son nouveau territoire. J'ai écrit donc un livre qui se passe beaucoup en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud n'est pas mon territoire. J'ai écrit des livres. Un livre sur les années gauchistes, ça n'est pas non plus mon village. Enfin, il me semble qu'à chaque fois c'est différent. À telle enseigne d'ailleurs l'invention du monde, c'est le territoire de ce livre-là, c'est le monde entier. Je dirais que la seule chose qui soit la seule, me semble-t-il, caractérise un peu, enfin se retrouve, il y a une note comme ça qu'on retrouve dans chaque livre à peu près, c'est l'espérance révolutionnaire, voilà. Enfin, le fait qu'elle a existé et que on a bien du mal à penser qu'elle existe toujours. Oui, l'espérance révolutionnaire et son contraire, enfin, c'est-à-dire la terreur politique, quoi. Ça se retrouve dans le premier, ça se retrouve dans Barre des Flots Noirs, c'est la dictature argentine, et ça se retrouve dans grand papier, enfin voilà, c'est la seule constante, je pense. Pour le reste, je prétends être bigarré et être omnivore. Merci Olivier Rollin, à demain. Et merci à vous et à demain. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mathias Sénard avec Olivier Rollin. À voix nue. Attaché d'émission, Claire Poinsignon, Mathieu Maroudin. Réalisation, Vincent Abouchard. Coordination, Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. France Culture, un été d'écrivain. France Culture, un été d'écrivain. Deuxième partie, le temps des lectures. Tout l'été, nous prolongeons les entretiens avec des écrivains par des lectures de leurs œuvres. Ce soir et toute cette semaine, nous écoutons Olivier Rollin, lisant lui-même ou lu par des acteurs. L'œuvre de Olivier Rollin est multiple et chaque livre est comme une facette particulière de cette œuvre rassemblée dans la collection Fiction et compagnie aux éditions du Seuil sous le titre Circus. Voici donc un circus radiophonique proposé à partir de 5 livres choisis par Olivier Rollin lui-même, Méroé, Tigre en papier, L'invention du monde, Un chasseur de lions, Le météorologue et ce soir, L'invention du monde présenté par Olivier Rollin. Faire tenir le monde dans un livre, ou au moins une journée sur Terre, celle du 21 mars 1989. Telle est l'ambition de ce roman à la fois réaliste et baroque, excessif, polyphonique. L'invention du monde est aussi une bibliothèque où sont évoqués, salués, parodiés, quelques-uns des livres qui, de Marco Polo à Jules Verne, de Lucrèce à Dante ou Camoens, ont prétendu donner une représentation globale du monde. Dans les pages qui suivent, le texte matriciel et le très bref passage des évangiles de Luc et Matthieu, où Satan tente le Christ au désert, lui présentant et lui offrant tous les royaumes du monde. Pages arrachées à Olivier Rollin. Troisième épisode. L'invention du monde. Chose vue à Congo Market. Seigneur, je me mourais d'impatience. Mais que lui fallait-il donc ? Je décidai de faire pour elle étinceler ses calligrammes de tout l'or de la nuit. Je tirai sur l'Atlantique le grand voile d'encre. J'allumai d'un coup des rivières d'ampoules reflétées par la mer, des averses de lumière, des champs d'étincelles, des sillons dans l'obscurité où germaient des pousses de feu, d'immatérielles forêts dont il semblait que chaque feuille fût un éclat d'électricité. Je fis disparaître Rio de Janeiro et suscitai à sa place un fantôme grouillant de lueur. Je posai Fortaleza comme une forteresse de cristal sur la côte. Je fis retomber sur récif, à la pointe de l'Amérique, une pluie d'embrun scintillant. J'allumai des millions de cierges dans l'ombre bleue de Salvador. Je fis miroiter les immensités de Sao Paulo comme une mer sous la lune. Je poussai la marée de la nuit le long du Rio de la Plata. Je couvris Montevideo de fils et de pièces d'argent. Je plaquai sur la pampa, comme sur le visage d'un roi indien mort, l'immense masque d'or craquelé de cabochons biseautés de Buenos Aires. Je jetai dans les profondeurs des plaines les immenses filaments noctiluques des autoroutes. Lorsque j'eus allumé tous ces candélabres, brillant comme les cheveux de Marie-Madeleine dans la nuit du Golgotha, je vis que cela était beau. Et de nouveau, me tournant vers elle, je lui dis « Je te donne à toi la gloire de ces royaumes, parce qu'elle m'a été livrée, et je l'offre à qui me plaît, et elle sera à toi si tu m'aimes. » Mais une troisième fois, elle me résista et me dit « Va des rétro, Satanas. » Alors je lui montrai, moi, l'évangéliste, les scènes de l'Écriture sainte répandues dans le monde, voyageant à la surface écrite du monde. Je la fis plonger dans le métro de New York pour assister à la naissance de l'enfant. Pas de bœuf ni d'âne, pas de mangeoire de paille, pas de berger, pas d'étoile, pas d'ange ni de roi mage non plus, mais un flic en chemisette de la Transit Authority Police. Une rampe au néon, un établi avec un étau, des armoires en métal, un distributeur automatique de Coca-Cola dans un coin, un masque de soudeur, et un chalumeau oxyacétylénique. Au mur, des photos de filles à quatre pattes en porte-jartelle et barésilles, ou bien debout, tête renversée, arrondissant les mains autour de seins énormes. Martha Davis est sans abri. Elle erre dans le métro toute la journée. Elle s'y protège du vent glacial qui fait voler chapeaux et parapluies, rouler gobelets de carton et boîtes de bière au long des avenues de Manhattan, claquer les bannières étoilées et écumer la mer au-delà de Battery et mourir les pauvres. C'est à la hauteur de la 163e rue qu'elle a senti son ventre devenir dur comme de la pierre, puis se relâcher, se durcir encore. Et ensuite, les contractions se sont succédées au rythme des stations. 155e, 145e, 135e, 125e, 116e, Cathedral Parkway. Puis s'accélérant le long de Central Park, 103e, 96e, 72e, Columbus Circle, 86e, 7e Avenue. Mon Dieu, que faire, tous ces gens qui la regardaient et s'éloignaient d'elle. Quelqu'un l'a aidé tout de même à sortir à Rockefeller Plaza. Les eaux commençaient à ruisseler le long de ses jambes. Et là, elle s'est presque évanouie dans les bras du flic. « Je suis prête », lui a-t-elle soufflé. « I'm ready ». Et il l'a portée dans un atelier de la station. Et maintenant, l'enfant sort, la tête la première, Dieu soit loué, entre ses cuisses écartées sur l'établi. Le flic fait chauffer de l'eau et cherche partout des serviettes qui ne soient pas maculées de cambouis. Il ne sait pas très bien pourquoi tout ça, mais il l'a vu faire au cinéma, dans de pareilles circonstances. Dans quoi déjà? Était-ce pas « Autant on emporte le vent » On entend la rumeur des métros express, le grondement de fer des rames qui filent à pleine vitesse. Martha a l'impression que c'est dans le tunnel de son ventre qu'il roule, par son sexe ouvert qu'il jaillisse. Puis elle se dit que son fils vient au monde, tout de même, dans une des stations les plus chics de New York. Elle y voit un présage heureux, ou pas trop malheureux. Le massacre des innocents se jouait en même temps sur plusieurs scènes du monde. Tout, chaque épisode, chaque vers ou verset des histoires fondamentales, se réécrivait sans cesse dans des variations à chaque fois nouvelles. Le monde, disais-je à Maricel, était l'ensemble de ces millions de réécritures simultanées. Je l'amenais d'abord, non sans hésiter, tant je savais qu'elle allait en être affectée, à Congo Market, dans le West End de Freetown. Je dus écarter à coups de bâton deux charognards qui, elles en drapeau, rebondissant sur les ignobles ressorts violacés de leurs serres, se disputaient de la cisaille, dans le caniveau de King Street, quelque chose que la boue empêchait d'abord de bien distinguer, courbes et bosses noyées, érodées, comme l'empreinte d'une monnaie très ancienne qu'on eût exhumée. Ce paquet replié, au milieu des ordures, à demi immergé dans un magma opaque et fétide, c'était un tout jeune enfant, de quelques jours à peine. Tête tournée vers le ciel, bras repliés sous le menton, fesses calées contre une feuille de bananier, jambes allongées vers la gauche, comme s'il était assis. Au village de Boutéhéry, lorsque Rose Kateri revenait de la rivière, un lourd bidon d'eau sur la tête, elle voyait de loin sa case transformée en une colonne de flammes, explosant en étincelles et en fumée très haut dans le ciel blanc, et au milieu, il y avait son bébé d'un an. Les soldats d'Hérode s'appellent feu ou mer ou maladie, faim et malheur. Parfois des masques étranges recouvrent leur visage. Leur corps disparaît sous des armures d'allégorie. Souvent aussi on leur voit des traits pauvrement humains. Ceux des villageois de l'arrière-pays de Lahore, par exemple, qui courent en vociférant derrière le jeune Massouk, parce qu'une des pierres qu'ils lançaient pour faire tomber les mangues a atterri dans leur casserole de riz. Ils le rattrapent, le jettent sur la terre rouge, et le tue à coups de pied. Ou bien le visage de bigot fanatique des parents de Johnson Siaka, qui ne le nourrissent que d'eau et de prières. Et maintenant, ses côtes, comme des couteaux jouant sous la peau bleue et sèche, se soulèvent une dernière fois, puis il meurt, sur un grabat entouré d'images pieuses, dans la chaleur étouffante de dizaines de bougies qui font fourmiller d'ombres et de lueurs son corps presque momifié à Kakamega, non loin de Boutéhéry. Ou bien encore les têtes de pharisiens du camarade Galilée Mukangadza et de sa femme, la camarade Finika Mukangadza, lorsqu'on vient les arrêter. La scène est presque exactement la même. Le monde Maricel est comme un immense miroir pulvérisé, un amas tourbillonnant d'infimes éclats catoptriques, un cyclone s'enroulant sur lui-même dans tous les sens et dont chaque gouttelette de chaque nuage réfléchissante, comme si elle fût de mercure, en reproduirait d'autres, parfois toutes proches. Puis l'instant d'après, infiniment éloignés, emportés par d'incessants et imprévisibles mouvements de convection et d'advection. La scène est presque exactement la même. Elle se répète aussi dans un village enneigé de Silésie, dans une ferme ensevelie de l'Oregon, les images, les flammes des bougies et l'enfant. Abednego, allongé sur un grabat, à Bulawayo, l'écume aux lèvres, mort d'une pneumonie soignée avec des prières, parce que Galilée et Finica appartiennent à l'église apostolique du camarade Johann Mazoé, qui enseigne que Jésus-Christ n'étant allé, que l'on sache, ni à l'école ni à l'hôpital, il n'y a pas de raison de ne pas l'imiter sur ce chapitre comme sur tous les autres. Nous croyons que la maladie peut être soignée par l'Esprit Saint et la prière, déclare Finica au policier. Nous avons été élevés dans cette croyance et il n'y a aucune chance que nous en changions. There is no way we can change it. Car il arrive, Maricelle, et même souvent, que les soldats d'Hérode aient des visages de femmes, les traits furieux de Médée, des masques obtus de mère ou de marâtre, les yeux flambants de haine d'une maîtresse éconduite. Telle cette Madame Digba, qui est venue se réfugier chez son amie Monilla à Motemo, parce que son mari la battait. Que ne lui a-t-il rompu les os? Car lorsque la trop confiante Monilla est partie quelques jours rendre visite à ses parents, qui habitent dans un village de brousse, Madame Digba, pire en vérité que la femme de Putiphar, en a profité pour « have fun »,« hacer las porquerias », si tu préfères, avec Fodai, le mari. Mais le pire est à venir, voici. Monilla est revenue, et Fodai, qui n'est pas fou, délaisse la Digba, qui en conçoit de la colère. Alors, pendant que le petit Moussa, l'enfant de son ami et rival, dort, elle dissout de la soude caustique dans de l'eau, puis réveille le bébé et le force à avaler, enfonçant la bouteille dans la bouche habituée à téter le lait. Peux-tu concevoir semblable horreur ? Je montrais encore à Maricelle, moi l'évangéliste, les miracles qui s'accomplissaient pour que croient les générations incrédules et perverties. Osmesinda de Jésus, la bien-nommée, rentrait chez elle en claudiquant, à Olavir, dans la banlieue de Rio. S'aidant de sa canne, comme d'une gaffe, elle poussait sa lourde barque fatiguée, aux larges tangantes hanches, le long de la rue Vitorino do Amaral, au numéro 20 de laquelle elle demeurait. Elle boitait bas. Et pourtant son vieux visage fripé rayonnait d'un bonheur qu'elle s'arrêtait tous les 10 mètres pour communiquer aux voisins. Tels les deux aveugles que le fils de l'homme guérit près de Capharnaüm et qui, malgré ses injonctions, allèrent rapporter le prodige par tout le pays. C'est que 10 jours auparavant, elle était couchée sur une paillasse à l'hôpital, son pied et sa jambe gauche gonflées, marbrées, violacées, commençaient à ressembler aux saucisses qu'on fait cuire dans la feijoada. Et le chirurgien était venu lui dire qu'on ne pouvait plus rien contre la gangrène et qu'il allait falloir l'amputer. Alors Osmesinda avait commencé une neuvaine de prières à San Judas Tadeo, patron des choses difficiles. Et certes, son affaire l'était. « Oh, très glorieux apôtre San Judas, priez pour moi qui suis si malheureuse et faites usage, je vous en prie, de ce privilège à vous accordé de secourir promptement et visiblement lorsque presque tout espoir a disparu. » Au même moment, dans le monde entier, des milliers de calamiteux, une internationale de malades, d'abandonnés, de vilipendés, de dépouillés, une balbutiante armée de laissés-pour-compte, de misérables qui n'avaient que leur chaîne à perdre et la corde pour se pendre, priaient Thaddée, le méconnu des 12. « Oh, Saint Jude, apostle and martyr, great in virtues and rich in miracles. Oh, grand par les vertus et riche en miracles, proche compagnon de Jésus-Christ, ô fidèle intercesseur, patron des temps difficiles. » Et, par exemple, John Tambo, un jeune homme de Soweto, qui passait des nuits sans sommeil et des jours d'agonie depuis que sa fiancée, Miss Precious Musisiwe Nkoe, avait disparu. Il avait couru tous les postes de police, tous les hôpitaux, toutes les morgues. Imagine-t-on ce que c'est que de trembler en voyant le drap soulevé par une forme qui a la taille et la corpulence de son amoureuse, d'éprouver, en découvrant le visage de Pierre d'une inconnue, un mélange de soulagement et d'horreur. Les jours, les semaines passant, ces corps abstraits sous les bâches, ces visages interchangeables, puisqu'ils n'étaient pas le sien, avaient fini par se rassembler pour composer une sorte de fantôme flou qui luttait pour détruire, ou au moins altérer, le souvenir concret des traits du corps de Precious, pour s'emparer de la mémoire qui était ce qui lui restait d'elle et lui faire subir la corruption que la mort inflige à la chair. John Tambo priait Saint Jude, demeurant jour et nuit maintenant près du téléphone à attendre un appel, voyant par la fenêtre, indifférent, les lampes s'allumer, puis s'éteindre, puis se rallumer, sursautant lorsque la sonnerie retentissait, maudissant horriblement, malgré qu'il en eût, ceux dont la voix lui infligeait la déception de n'être pas la sienne ou celle de quelqu'un qui connut des nouvelles d'elle. Des profondeurs de mon cœur, je m'adresse à vous. Je vous supplie humblement de venir maintenant à mon aide. Et si vous ne pouvez pas me la rendre, épargnez-moi au moins d'avoir sans cesse devant mes yeux l'opéra démoniaque de tous ces destins possibles. Or, voici, le dixième jour, après les 27 pater, 27 ave, 27 gloria habituelles, la jambe d'Osmecinda avait subitement désenflé et ne la faisait presque plus souffrir, pas plus qu'avant en tout cas. Et le médecin lui avait dit « Lève-toi et marche ». Alléluia. Aux îles Fidji, les parents du petit Rakesh Chand étaient, comme tous les jours depuis 2 mois, prostrés de part et d'autre du lit où leur 11e enfant gisait immobile, les yeux clos, plongé dans un coma profond depuis qu'un autobus l'avait renversé dans la rue principale de Tabia. Et soudain, à leur stupeur incrédule et à celle des autres malades de la salle commune de l'Ambassa Hospital et des infirmières qui accouraient dans un grand tatamarre de cris perçants et de portes claquées, les paupières de l'enfant se soulevaient, les bras bougeaient sous le drap, un genou se relevait. Et Rakesh, s'asseyant sur son lit, se mettait aussitôt à parler, exactement comme la fille du chef de la synagogue à qui Jésus avait dit « Talitha cum ». « Fillette, lève-toi ». J'avais encore des miracles en pagaille à lui montrer, à la rebelle magdaléenne, et des marchands chassés du temple, et des têtes de prophètes tranchées pour les jambes de jeunes danseuses. Mais j'accélérais le film car j'avais hâte d'en venir à la passion. Et dans mon esprit, que le déferlement incessant de la mer des images n'empêchait pas, comme s'il se fût agi d'une autre part de lui-même, d'ourdir tranquillement de basses petites ruses, de méditer des embuscades où les visions les plus horribles, les plus sacrées même, fussent utilisées à des fins de profane galanterie, ce que j'escomptais, c'était que, comme on voit sur le retable d'Isenheim, la mère du Christ soutenue au pied de la croix par l'apôtre le plus aimé, de même, Marie la Villanovienne, terrassée par trop d'émotions, se laisserait enfin aller dans mes bras hypocrites. Je lui montrai alors la populace vociférant « Barabbas, Barabbas » et « Crucifiez-le » autour du prétoire de Pilate et du Sanhédrin. Et c'était à Dakka et à Chittagong qu'elle se rassemblait, pendant et décapitant des effigies de papier ou de chiffon de l'écrivain Salman Rushdie, trimballant des cercueils sur lesquels avait été écrit, avec souvent des fautes, son nom Oni, conspuant ceux des poètes Shamshur Rahman et Sayed Atikula, de la Begum Soufia Kamal, du professeur Ahmed Sharif, déchirant et jetant leurs livres dans des brasiers en criant « À mort !» se repaissant d'un festin de symboles macabres, s'épuisant en cris de haine, s'enivrant et se désespérant de l'odeur du feu, des cendres qui volaient, du spectacle des bûchers, des potences, des haches, des suppliciés imaginaires, s'abrutissant de braillements répercutés par des haut-parleurs, déformés par les échos et les grésillements, incompréhensibles mais d'autant plus excitants, voix et pas voix, comme la parole révélée, portant, aucunement altéré par l'équivoque détestable des mots, la signification brute du fouet, de la chair lacérée, tranchée, de la vengeance et de l'expiation, de l'humiliation triomphant mais ne s'en sentant pas moins humilié, de la communauté trouble, agrégée par la haine de l'humain, la haine de soi, effrayée par Dieu, parce qu'effrayé par soi, mettant l'effroi de soi dans un dieu effroyable, la haine des lettres humaines dans la vénération craintive de la lettre divine, s'encourageant à être bestial dans l'imitation de Dieu, trouvant dans l'adoration féroce de l'un et de l'unique la stimulation à être multitude et vile multitude, se frappant et se déchirant la poitrine, s'époumonant à Gulistan Square devant les mosquées Anderkila Shali Jame et Dampara Jamiatul Fala, lançant des briques dans les pare-brises des autobus à Palabi et Moakali, incendiant des mobilettes à Motijil, bloquant des trains à Kamalapur et Narsingdi Station, marchant, courant, transpirant, crachant dans les gaz lacrymogènes, attaquant les rares commerces qui n'avaient pas baissé le rideau de fer, cassant les vitres, s'imaginant qu'en prenant une rue, elle prenait le monde, hissant à un croc au bout de l'élingue d'une grue, un pantin disloqué, lardé de couteaux, qui était une représentation magique de l'écrivain ou de l'esprit humain, et aussi le simulacre de sa détresse matérielle et morale. Au-dessus des bassins, des entrepôts, des docks de Chittagong, des coques, des tas de copras et de riz, des balles de jute, des rails, des quais, des locomotives diesel, des fumées déchirées par un vent d'orage. Au-dessus, des bétés, à l'ombre d'un hangar, des baraques, des chiens scrofuleux fouillant l'état d'ordure, disputant leur pitance aux enfants. Des flaques d'eau paludéennes, des terrains vagues, de toute la misère immense que tranchait la lame d'argent noir de la mer. Et pour achever de lui dévoiler le monde comme un vaste mystère, un gigantesque auto-sacramental joué, sans aucun artifice, avec d'authentiques miracles, mais aussi de vrais outrages, de véritables couronnes d'épines, sur des milliers de scènes à la fois, et pas seulement dans la Calle Mayor de Villanueva, comme si la sphère terrestre était formée de l'évidement de deux amphithéâtres accolés, vissés l'un sur l'autre, dont chaque gradin eût été peuplé de millions d'acteurs, et nous, suspendus, spectateurs uniques, au centre de cette toupie dramatique, je lui fis paraître le Golgotha. Je n'eus pas à porter mes yeux bien loin de Chittagong. J'en trouvai un à Dolaïkal, quartier de Dhaka. À un pylône électrique était lié, par trois tours de grosses cordes qui le serraient, l'un sous les genoux, l'autre au milieu du ventre, le dernier à hauteur de la poitrine, un homme jeune, maigre, vêtu d'une sorte de long pagne rayé et d'un t-shirt dont l'ample encolure ronde dégageait une partie du torse. Les pieds de Cocane, c'était le nom du garrotté que proclamait un panneau de carton fixé au-dessus de sa tête, Cocane, voleur. Ses pieds, très longs et tendineux, comme ceux du crucifié d'Isenheim, reposaient sur le socle de béton du pylône. Le corps suspendu par les liens était légèrement déjeté vers la gauche. Le sang ne coulait pas selon l'axe sagittal, mais en formant avec lui un angle aigu d'environ 20 degrés. Cheveux courts, lèvres proéminentes, tuméfiées, pommettes et nez marqués, le visage légèrement simiesque se tournait vers le dernier à lui avoir porté un coup, un gamin de 12-13 ans. Le regard de Cocane, pourtant, semblait presque indifférent. Il avait été surpris, tôt dans la matinée, en train de voler dans la maison d'un riche. C'est Petkata Jahangir, Jahangir, estomac fendu, qui l'avait chargé du boulot. Le riche l'avait livré à la foule. Comme c'était justement Hartal, grève, à cause de Salman Rushdie, on ne travaillait pas et il fallait trouver des distractions pour meubler la journée. Les gosses aussi s'allaient changer du cricket et du foot dans la rue. Il y en avait 12 autour de lui. Crânes ras, piaillantes petites gueules pouilleuses, rayeuses, certains avec des lattes de bambou, d'autres y allaient à mains ou pieds nus. Le plus malin avait inventé d'enduire ses lèvres et ses plaies de sucre et d'en déverser un petit tas à ses pieds pour que les fourmis soient de la fête. Personne n'avait songé au vinaigre. Et il y avait des ténèbres sur toute la terre. « C'était Pages arrachées à Olivier Rollin. Troisième épisode. L'invention du monde. Chose vue à Congo Market. Avec Jean-Damien Barbin. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Litorkia. Réalisation, Sophie-Aude Picon. Extrait choisi par Olivier Rollin. L'invention du monde est publiée aux éditions du Seuil. C'était un été d'écrivain, des entretiens, des lectures, des auteurs français, des auteurs étrangers. Toute cette semaine, Olivier Rollin. Vous pouvez réécouter, télécharger sur franceculture.fr cette émission, ainsi que toute la série d'un été d'écrivain diffusée depuis le début du mois de juillet sur France Culture. À demain.